d'amour. Quand on s'aime, quand on s'aime, notre vie chaque jour nous entraîne, nous enchaîne. Tu sais bien, mon amour, que je t'aime, que je t'aime. Le vrai bonheur et la passion n'ont pas d'explication. Pense que tu es à moi. Ça que je pourrais dire ne compte pas. Pourquoi parler d'amour quand on s'aime, quand on s'aime? Nos cœurs depuis toujours sont les mêmes, sont les mêmes. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.